Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 61e émission, nous vous proposons une émission spéciale Assemblée Générale ER 2016. En effet, le week-end du 3 et 4 décembre 2016 se tenait au Théâtre de la Main d'Or l'Assemblée Générale de l'Association Égalité et Réconciliation, avec la présence de nombreux militants venus de toute la France pour se retrouver dans un esprit de camaraderie et rencontrer les chefs de section locale, certains auteurs contre-culture, les journalistes de RTV et ERFM, le secrétariat d'Égalité et Réconciliation et bien sûr Alain Soral qui présidait cette Assemblée Générale. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter les interventions de Lucien Cerise, Jacob Cohen et Félix Nisch sur le thème du militantisme à égalité et réconciliation, puis nous écouterons le discours conclusif d'Alain Soral à cette très belle journée militante. On commence avec Lucien Cerise. Donc, le militantisme. Alors, il y a plusieurs façons de militer, évidemment. Donc, on peut écrire des livres. Mais bon, ça suppose un travail presque à temps plein que tout le monde ne peut pas faire. À partir de 2011, j'ai commencé à me poser des questions sur, justement, le militantisme quand on n'a pas le temps. Donc, en fait, comment faire une chose quand on ne peut pas le faire, quoi. Donc je me suis mis sur Facebook, j'ai déjà parlé un petit peu de ça en fait. À partir de 2011, j'ai commencé à faire de l'influence sur Facebook. C'est-à-dire que, alors certains vont appeler ça du troll ou du trolling, du trollage, j'en sais rien. Mais bon, ça c'est quand on fait de la mauvaise influence. Donc moi, je fais de la bonne influence, hein, évidemment. Donc je n'utiliserai pas le terme de troll. Donc c'est en fait qu'est-ce qui m'a poussé à ça, c'est l'avalanche, enfin le tsunami, le cataclysme de désinformation sur qui a commencé à se mettre en place dans les médias français et au-delà concernant la guerre en Syrie. Hein, donc en fait la fausse révolution colorée, dite printemps arabe, etc., qui donc ensuite s'est transformée en guerre hybride. Je me suis dit, mais c'est incroyable, un tel niveau de désinformation, j'ai cru devenir fou. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai un outil sous la main qui s'appelle Internet, hein, et qui me permet en fait de rétablir une certaine symétrie de l'information. Hein, c'est-à-dire que Internet, vous pouvez envoyer vous aussi des informations à ceux qui vous désinforment, en allant sur les forums par exemple. Je me suis créé une fausse identité. Alors je commençais sous ma propre identité. Après je me suis dit bon, je vais peut-être prendre quelques précautions. Donc je me suis créé une ou deux fausses identités et je suis allé sur les forums. Mais à chaque fois il fallait créer donc une nouvelle identité, faire un nouveau protocole d'inscription, etc. Donc je suis allé directement sur Facebook et ça va beaucoup plus vite. Et puis au début, j'essayais de trouver des formulations du retournement, hein, du spin, hein, c'est-à-dire pour convaincre les gens de penser autrement. J'ai trouvé que c'était une énorme perte de temps parce qu'à chaque fois, il fallait réfléchir. Et j'ai commencé simplement à... Oui, parce que ça bourdonne. Ouais, vas-y. Je m'en rends pas trop compte. Mais... Donc, j'ai commencé... Là, c'est bon comme ça ? Ouais. Donc, j'ai commencé en fait à archiver des liens sur Internet, hein, donc d'articles issus des médias grand public de préférence, ou aussi de blogs éventuellement, et qui avaient un impact. Hein, le poids des mots, le choc des photos, comme on dit. Donc là, c'était essentiellement un impact au niveau des mots. Hein, c'est-à-dire que j'ai commencé à sélectionner des articles avec un titre qui frappe l'imagination et qui donne envie de réfléchir. Hein, voilà. Et en sélectionnant aussi en fonction des sources, hein, puisque la question de la source est très importante. Une source qui n'est pas... c'est-à-dire une source à laquelle on ne fait pas confiance, bon, bah, voilà, ça passe largement au-dessus de la tête. Ça n'a pas d'impact dans la sensibilité. Ensuite, bon, tout ça, ça m'a donné aussi du grain à moudre en fait pour la ce que je, en gros, toute la réflexion autour de l'ingénierie sociale. je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour militer efficacement, il fallait prendre le contrôle des émotions. Hein. En fait, on milite avec les émotions, on milite pas avec la pensée. On milite donc avec la psychologie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toucher la psychologie de votre interlocuteur. Hein. La psychologie, c'est tout son système de projection, hein, tout son système archaïque de projection. Hein. Maman, papa, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il ne faut pas essayer de faire de l'intellectuel, il ne faut pas rentrer dans des grands débats. Quand vous êtes donc dans une discussion, par exemple, à la machine à café au travail ou entre le fromage et la pomme dans un dîner de famille, n'essayez pas de rentrer dans des grands débats. Si vous avez affaire à quelqu'un qui manifestement raconte des conneries, tentez plutôt l'humour. Hein, une technique que j'appelle fire and forget, hein, c'est-à-dire en gros vous lancez des choses, mais vous n'insistez pas. Enfin, le fire and forget, c'est une technique là de comment dire ça, de pilonnage, par l'aviation au moment de la première guerre du Golfe, si je me souviens bien. En gros, il s'agissait simplement de balancer le missile et puis de se retirer tout de suite. Voilà, donc bon, on peut s'inspirer hein, de toute la culture militaire pour nous-mêmes mettre en application des stratégies et des tactiques, puisque nous sommes dans une guerre hybride. La guerre hybride qui mobilise, c'est en fait bon, c'est un concept qui a émergé il y a une quinzaine d'années, et qui mobilise les civils et les militaires sur le même plan. Donc l'activité militante, il faut toujours s'imprégner de cela. Si nous sommes militants, enfin si nous voulons militer, c'est-à-dire en fait simplement essayer de sauver notre peau, militantisme c'est ça, hein. Donc pour essayer de sauver notre peau, il faut comprendre dans quel cadre on est. On est dans un cadre de guerre totale, et qui militarise les civils, et en fait vous pouvez vous retrouver vous-même en face de soldats. C'est-à-dire de soldats inconscients de l'être. Hein. Je veux dire, quand vous êtes dans un dîner de famille entre le fromage et la pomme et que votre oncle commence à vous dire « mais tes propos, c'est la théorie du complot », vous avez affaire à un soldat, à quelqu'un qui essaye en fait de vous, en gros, de vous enfermer, de vous marginaliser au niveau de l'influence que vous pouvez déployer autour de vous. Et donc, sans s'en rendre compte, votre oncle bien-aimé, etc., ou ça peut être votre cousin, votre grand-père, etc., grand-mère, se retrouve finalement du côté de l'ennemi, sans même le savoir. Il a été militarisé à son insu. De la même façon que, par exemple, les clandestins sont militarisés. Hein, ça fait partie d'une stratégie de guerre en S1 qui a été théorisée à la Rand Corporation il y a aussi une vingtaine d'années, qui consiste à utiliser des petits groupes pour attaquer les populations. Donc c'est de la guérilla, mais c'est une rethéorisation du concept de guérilla et de fauquisme qui avait été mis en application par Che Guevara et Régis Debray à la fin des années 60. Ça consiste en fait à sortir l'artillerie lourde. On ne fait plus dans l'artillerie lourde, on fait dans la guérilla, c'est-à-dire dans les petites équipes, dans les petits groupes, et on attaque en essaim. Hein, c'est la swarm warfare. Donc la guerre de l'essaim, la guerre de la horde. Hein, on envoie une quantité de petits groupes qui viennent, qui seront en fait récupérés, qui seront recrutés dans tous les milieux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a finalement nos ennemis, les soldats d'en face viennent de l'extrême gauche, ils viennent de l'extrême droite, ils viennent des religions, ils viennent de partout. Et ils viennent aussi de toutes les classes sociales. Voilà. Et donc, c'est en ce sens que donc, la ligne de front, toujours dans une perspective de militantisme efficace, la ligne de front doit être réécrite. La ligne de front, aujourd'hui, c'est évidemment plus droite-gauche. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. C'est plus non plus entre les religions, puisque dans chaque religion, vous allez trouver des ennemis et des amis. Hein, c'est, en fait, là, je ne fais que reproduire ce que... Le cadre général posé par Carl Schmitt, hein, c'est-à-dire que le premier geste de la politique, ça consiste à désigner l'ennemi. Et bon, implicitement, ça désigne aussi l'ami. Hein. Il y a une troisième catégorie qui s'appelle l'allié. C'est pas forcément l'ami, mais on peut travailler ensemble quand même. Et puis bon, après, on se dit bye-bye quand on a gagné. Quoi. Donc voilà, donc il y a trois catégories dans le militantisme. Donc il y a l'ami, l'allié, l'ennemi. En face, donc, on a affaire à des gens qui sont parfaitement au courant de tout ça, hein, qui travaillent au Pentagone, à la CIA, au Mossad, je ne sais où, et qui appliquent tout ça. Hein, et c'est pas très difficile de le démontrer puisqu'ils produisent, ils ont une production littéraire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a des livres, hein, tout simplement. Hein, c'est, comme je vous disais, publié par la Rand Corporation notamment. Donc, nous sommes aujourd'hui. Je vous décris un peu le cadre général, hein, l'environnement dans lequel nous allons évoluer en tant que militants. c'est celui donc de la guerre en Essaim, menée par des petits groupes, militarisés et recrutés absolument partout, y compris dans votre famille, y compris même dans votre couple. Hein, parce que quand votre compagne ou votre compagnon commence en fait à tenir les propos qu'il a entendus à la télévision, d'un seul coup, pof, il passe de l'autre côté, je dirais, de la barrière, il peut être recruté lui aussi. Le recrutement par l'ennemi, il se fait pas forcément. Il n'a pas besoin de la de l'accord conscient. Hein, les règles du recrutement dans les services secrets sont pas tout à fait celles du CDI ou ni même du CDD. Un service secret vous considère comme un agent à son service quand il l'a décidé. Et il n'a pas besoin il n'a absolument même pas besoin que vous le sachiez. Donc vous êtes recruté à partir du moment où vous répétez ce que dit le pouvoir. Enfin, vous êtes recruté par le pouvoir dès lors que vous répétez ce que dit le pouvoir. Donc moi, si je vous entends répéter ce que dit le pouvoir, je vous considère comme un ennemi, d'emblée. C'est dans ce cadre-là qu'il faut se placer. Bon, un ennemi qui ne le sait pas forcément. Donc mon rôle en tant que militant doit être de vous révéler que vous êtes du mauvais côté de la barrière, que vous êtes du côté de mon ennemi. Mais que vous ne le savez pas encore, donc je dois vous ramener de mon côté. Pour ça, il ne faut pas être dans un rapport de force frontal direct. Et c'est là où l'ingénierie sociale peut être mobilisée. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant que, si je fais de l'ingénierie sociale, ce sera de gagner votre confiance pour vous attirer de mon côté. Hein, parce que forcément, si je suis dans un rapport de force frontal avec vous, j'entérine la division inconsciente que vous avez mise en place en obéissant sans même le savoir à la CIA, au Mossad et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon travail, ça doit être de ne pas tenir compte en fait de vos représentations conscientes. Parce que si je vous dis, mais là, vous faites le boulot de l'ennemi, en tant que classe moyenne, si vous vous mettez au service du grand capital, par exemple en soutenant Hillary Clinton ou ce genre de candidat aux élections, si je me retrouve dans cette situation à dialoguer avec quelqu'un qui est recruté sans le savoir contre son propre intérêt, je dois le retourner, hein, faire du spin, et pour le retourner efficacement, je ne dois évidemment pas apparaître moi comme l'ennemi. Je dois lui révéler que nous avons un ennemi commun. Donc je dois détrianguler le conflit qui a été mis en place. Détrianguler le conflit, ça veut dire gagner la confiance de l'autre pour qu'il cesse de me voir comme un ennemi, c'est-à-dire pour que je cesse d'éveiller sa méfiance. Vous voyez, c'est-à-dire que je me retrouve dans un ennemi de famille, ce qui m'est arrivé il y a un mois d'ailleurs, j'en parlais à des gens de ER quand je suis allé faire une conférence à Reims. Je me retrouve dans un ennemi de famille avec un oncle franc-maçon et qui me sort, qui me déballe tout, quoi, le gouvernement mondial, etc. C'est super, on sera tous frères, etc. Si on appliquait les valeurs à la franc-maçonnerie, il n'y aurait plus de problème, etc. Boum, je me retrouve face à un ennemi mortel, qui plus est. Enfin, eh oui, non, mais il veut ma peau, et il ne le sait pas. Et je dois lui faire comprendre. Vous voyez la complexité de la situation où on se trouve aujourd'hui. Le type veut ma peau, il veut me tuer, mais lui aussi il veut se suicider en réalité. Et il veut même assassiner ses propres enfants, fondamentalement. Donc ça devient compliqué à gérer. Enfin, je veux dire au niveau de tout ce qui est projection, etc. En plus, il est là-dedans depuis 20 ans. Enfin bon, c'est infernal. Donc, mais la priorité absolue là, dans ce cadre-là, c'est de ne pas éveiller la méfiance. Parce que là, vous entérinez, évidemment, le clivage qui lui a été implanté. Hein, c'est-à-dire que lui-même est piraté par ses frères, par sa loge. Et donc, il faut le dépirater, en quelque sorte, le remettre à l'endroit, quoi. Et pour ça, bon, effectivement, il ne faut pas apparaître comme le méchant facho qui va l'envoyer dans un camp de concentration, etc. Parce que ça vient tout de suite après, hein, évidemment. Je veux dire, bon, on a beau dire qu'il y a aussi des francs-maçons au Front National, que toutes les loges ne sont pas de mondialistes, qu'il y a quelques loges souverainistes, bon, rares, mais ça existe quand même. Ça fait rien, tout ça, c'est pas entendu. Donc, il faut rester toujours gentil, etc., et puis donc ne pas éveiller la méfiance. Et ensuite, bon, c'est en neutralisant en quelque sorte le champ émotionnel que vous pouvez commencer à travailler pour gagner la confiance. Mais bon, ça, évidemment, c'est pas, on ne le fait pas en 20 minutes, ou même en 2 heures de dîner de famille. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne... Enfin, ça se fait sur le long terme, ça se fait... C'est un travail de longue haleine, évidemment, sachant que, de toute façon, tout ça... Enfin, que vous partez perdant si vous n'avez pas une récompense à offrir. Là, en l'occurrence, l'oncle franc-maçon en question, lui, il est rentré là-dedans aussi pour faire carrière. Donc bon, forcément, là, il y a un hameçon, et donc il a intérêt à rester là-dedans et y croire, parce que c'est comme ça que, pendant des années, il a trouvé des contrats, tout simplement. Parce qu'il, tout marche comme ça. Hein. Vous retirez l'argent de la franc-maçonnerie, ça disparaît en 6 mois. Vous retirez l'argent du sionisme, ça disparaît en 6 mois. Vous retirez l'argent de l'atlantisme, ça disparaît en 6 mois. Vous retirez l'argent de l'européisme, il n'y a plus personne à Bruxelles. Hein. C'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, il faut fréquenter un peu ces milieux-là. On voit bien que ça ne roule que sur le fric. Fondamentalement, il n'y a pas de conviction derrière tout ça. Ce sont des gens... Donc, évidemment, nous, on n'a pas d'argent à proposer en face. On n'a pas un meilleur salaire à proposer. Donc, on part perdant, c'est certain. En revanche, on peut commencer progressivement à planter des graines pour le jour où leur structure se cassera la gueule, y compris financièrement, les accueillir. Et puis voilà, donc il faut mettre en place des structures d'accueil. pour ensuite les ramasser, quoi, en fait, à la petite cuillère, quand effectivement ils auront été déçus par leur loge, par leurs idéaux bidons. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les discussions en vis-à-vis. Ensuite, il y a un transfert d'expérience possible, un transfert de compétences sur Internet. Et donc, c'est là où il faut utiliser, rentabiliser au maximum l'outil Internet, parce que cela permet effectivement de compenser la dissymétrie de l'information. Avant Internet, il y avait un monopole informationnel et surtout, il n'y avait aucune capacité de réponse. Aujourd'hui, on peut répondre. Donc quand, l'IBE met sur sa page Facebook de la désinformation pure, on peut répondre en allant chercher un article, par exemple, du Monde. En quelque sorte, pour créer un court-circuit. C'est-à-dire qu'en fait, deux articles, parce qu'en gros, les proportions en fait, en termes de mensonges et d'informations honnêtes, c'est 90-10. Enfin, c'est à peu près, à vue de nez, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que dans les grands médias, l'IB, Figaro, etc., vous avez 90% de désinformation et 10% de vérité. Puis après, il y a aussi une marge un peu grise, qui ne dit ni la vérité et qui ne ment pas non plus, mais qui permet. Il faudrait qu'on passe à la pratique. Donc, l'idée, c'est quand j'ai commencé à constituer mon fichier d'archives, c'était d'avoir sous la main des articles. Que je pourrais copier-coller, tout simplement. Voilà. Et pour, en quelque sorte, renvoyer, faire du ping-pong, renvoyer la balle à l'envoyeur. C'est-à-dire que quand quand une page Facebook d'un média grand public mentait, eh bien, je lui renvoyais ce que disaient ses confrères, qui disaient parfois exactement le contraire. Voire même, de temps en temps, ce qu'il faut aussi, c'est savoir exploiter, par exemple, les blogs hébergés par les sites qui ne sont pas toujours surveillés et où parfois, effectivement, donc, quelqu'un va dire exactement le contraire de la ligne éditoriale du média. Alors Mediapart fait ça, je ne sais plus lesquels aussi, le Nouvel Obs peut-être, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, on bénéficie là, de la marque Mediapart. Donc pour des incrédules, ça c'est vous arrivez là, vous commencez, vous abaissez la méfiance, puisque vous procédez d'une source qui éveille la confiance, je veux dire pour les gens un peu bêtes, quoi, qui n'ont pas trop réfléchi, mais donc et en même temps vous allez passer en contrebande en quelque sorte, vous allez pirater, c'est-à-dire que vous allez passer un message écrit par quelqu'un qui n'est pas de la direction de Mediapart ou de la ligne éditoriale de Mediapart, mais qui s'inscrit dans le cadre hébergé par Mediapart. Bon, vous voyez, bon, ça, c'est des petites astuces qui permettent d'avancer masqué et donc de réinformer de manière, subliminale, quasiment. Donc, j'ai un peu évoqué tout ça dans diverses reprises. Concrètement, qu'est-ce qu'on a commencé à faire dans le cadre de l'égalité et réconciliation? Donc, il y a deux sections qui... Alors, bon, j'avais fait des ateliers de réinformation, donc il y en a une ou deux, il y en a un ou deux qui ont été enregistrés. Bon, maintenant, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et puis donc, avec ER Lille, donc un jour, on a réservé une après-midi pour monter une équipe. On s'est dit, voilà, on va créer des fausses identités, des faux profils, et puis bon, bah, on va se coordonner, et puis on fera éventuellement justement de la guerre en essaim, c'est-à-dire par petits groupes, etc. On viendra quand il y aura par exemple une opération de désinformation coordonnée sur plusieurs médias, ben nous on se coordonne un peu aussi, mais pas trop non plus, quoi, pour que pour que ce soit de l'astroturfing. L'astroturfing, c'est la simulation de la spontanéité. C'est un terme de guerre économique. Donc pour que ça ait l'air d'être spontané et non coordonné, bon, il faut pas justement qu'on soit trop coordonné. Donc parfois le meilleur moyen de tromper, c'est d'être d'être dans le réel aussi, hein, dans une certaine mesure. Donc, alors, je vous invite à prendre contact avec ER Lille. Alors, on a lancé ça donc au mois d'août. Bon, pour l'instant, c'est un peu en jachère, hein, faut avouer, parce que moi, j'ai pas le temps en ce moment de faire beaucoup de Facebook, de faire cette activité-là, parce que je finis un livre. Mais je vous invite donc à prendre contact avec ER Lille et puis ER Nice aussi. On s'est coordonnés, on a fait une conférence sur Skype, et donc ils sont aussi au courant. Et ensuite, bon, ce que je vous invite aussi à faire, hein, quelque chose de très simple, c'est à vous constituer votre propre fichier de liens. Hein, c'est pas très compliqué à faire. Hein, vous pouvez vous inscrire sur ma page Facebook, par exemple, Lucien Cerise, et vous récupérez tout ce que je mets. Parce qu'en fait, je ne fais que ça sur ma page Facebook. Là, en l'occurrence, sous mon nom d'auteur. Donc là, c'est pas du piratage. Hein. Enfin, j'annonce la couleur, je dis qui je suis. Et donc, je me contente de poster des articles que je trouve intéressants. Bon, parfois, ils sont inutilisables, hein, évidemment. Parce que bon, quand c'est un article, par exemple, directement de ER ou du Front National, ou de quelque chose qui est très marqué, bon, là, vous n'aurez pas, évidemment, d'effet de piratage, hein, d'effet subliminal, si vous mettez ça sur la page Facebook de Libé, forcément, ou sur une page Facebook d'un site LGBT, bon, puisque vous êtes immédiatement identifié. Mais voilà, parfois, avec des gens qui sont en chemin, qui commencent à réfléchir, ça peut être utile. Enfin bref, en tout cas, je vous invite tous pour accélérer les choses, à vous constituer votre propre fichier donc, de réinformation, qui ça consiste simplement à copier-coller la ligne de code HTTP plus le titre. Et puis c'est tout. C'est tout. Ensuite, vous rangez ça par thème. Hein, je sais pas quoi, terrorisme ou je sais pas quoi, Syrie, Ukraine et compagnie. Et puis, à chaque fois que vous le modifiez, vous modifiez la date, hein, évidemment, parce que sinon vous allez avoir un problème que j'ai eu. C'est le même fichier, enfin le fichier, plusieurs fichiers datés, enfin avec la même date. On ne sait plus lequel est à jour et voilà. Donc ça, c'est important de dater. Et avec ça, donc premièrement, ça peut vous servir si vous avez la disponibilité, si vous avez le temps de faire de l'influence, du spin sur Facebook. Là, vous avez juste à copier-coller en réaction hein, à la désinformation dans les fils de commentaires. Et puis surtout, en plus, de toute façon, indépendamment d'Internet, c'est formateur. Parce que vous allez commencer en fait à penser... j'arrête bientôt, c'est ça ? Non mais... Ouais, d'accord, je termine. Donc, en fait, c'est formateur parce que vous allez commencer en fait à penser par slogan. Alors on va dire, ah oui, mais non, c'est pas bien de penser par slogan parce que c'est du marketing idéologique, etc. Oui, mais aujourd'hui, on en est là, hein, on fait la guerre. On n'est pas, à écrire des belles... Enfin, à faire de la poésie, quoi. Quoique la poésie, justement, d'une certaine façon, ça, le fait, par exemple, d'écrire des alexandrins, ça oblige à structurer sa pensée, et c'est une école, une excellente école, c'est une écriture de... Enfin, l'écriture à contrainte, quoi. Et donc, en fait, le slogan, il faut voir ça aussi dans la noblesse du slogan, c'est de réussir. C'est un peu la noblesse de Twitter. Hein. Bon, je vais chercher la noblesse où je peux, mais... Non, mais donc, l'intérêt de Twitter, c'est d'obliger à condenser sa pensée. Et ça oblige, en fait, à penser de manière un petit peu... Enfin, de essayer de faire des maximes, des proverbes, etc. Donc là, il y a quelque chose à exploiter là-dedans. C'est une bonne éducation. Et... Et ça peut être exploité aussi là en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant du fire and forget, c'est un peu ce que font certains humoristes, quoi, avec une phrase, par exemple, ils vous déstabilisent un interlocuteur. Et c'est à ça qu'il faut arriver, c'est-à-dire à réussir à condenser la pensée de manière suffisamment astucieuse pour que, en un minimum de mots, on ait un maximum d'impact de déstabilisation. Déstabilisation donc du rouleau compresseur qu'on a en face. Parce qu'en face, en face de nous, on a, je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé, mais c'est Goldorak, quoi. C'est un robot de 300 mètres de haut, quoi, et avec des rayons laser, tout ça. Et nous, on arrive là avec un lance-pierre, quoi. Mais il faut réussir, c'est un peu David et Goliath, quoi, mais c'est-à-dire qu'il faut réussir à déstabiliser quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous. Alors après, oui, effectivement, il y a aussi donc des événements politiques qui vont aussi dans le bon sens, électoralement, etc. Mais bon, fondamentalement, là, on en est l'outil Internet permet justement de rétablir une certaine symétrie du rapport de force, à condition effectivement donc de ne pas s'imaginer qu'on est aussi fort que le Golgoth en face de nous, mais à condition d'attaquer en essaim, c'est-à-dire en fait par petits groupes et par harcèlement en quelque sorte, c'est-à-dire par pulsation répétée et d'une certaine manière en entourant, enfin en quelque sorte en nuée, voilà. Donc je passe la parole. Alors. Félix, tu voulais réagir ? Réagir, non. Militer, ce n'est pas faire de la poésie, dit Lucien. Avec juste raison, puisque la poésie n'a pas besoin de militer. La poésie, la protestation la plus accomplie contre la pourriture moderne. On ne peut pas faire plus protestation achevée contre la laideur, la hideur du monde moderne que la vision poétique. Tout poète véritable, quelles que soient ses options, est fondamentalement opposé à la pourriture du présent. Donc tu as raison. Je dois donc présenter mon parcours. Exactement. Je m'honore d'avoir adhéré à Égalité et Réconciliation dès sa fondation, en 2007. Je me suis rendu à Villepinte, où avait lieu le congrès de fondation de cette association. Spontanément, tout m'a paru antipathique. Et en premier lieu, les discours. C'était un discours islamo-stalinien auquel tout fondamentalement m'oppose. Le premier orateur, pendant une heure et demie, nous a dit que la plus grande protestation contre le monde moderne, c'était l'islam. L'islam étant une espèce de Guénon collectif, de René Guénon collectif. Lors même que je pense que les deux monothéismes, celui du marché, l'impérialisme, et le monothéisme métaphysique, l'islam, sont objectivement, et pas subjectivement, alliés. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en ex-Yougoslavie, on le voit aujourd'hui avec Daesh. On l'a vu aussi avec l'écrasement des révolutions arabes par les frères musulmans. Donc, tout faisait que j'allais adhérer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux choses. Il y avait Alain Soral et il y avait, Maurras dit, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, il y avait des gens qui spontanément m'ont paru sympathiques. Des hommes avec qui, et des femmes, très peu de femmes d'ailleurs. Je crois qu'il y en avait que deux. Dont je me disais qu'il devait être intéressant de faire quelque chose avec eux. Et il y avait Soral. Pourquoi Soral ? Parce que Soral, je l'avais vu qu'une fois, à la télévision, à une émission de Chavannes. Et il s'était imposé en surgissant du public pour contredire ma mémoire immédiate. Isabelle Alonso, la femme gencive. Et j'avais entendu pour la première fois de ma vie quelque chose que, par mon petit cheminement personnel, j'avais découvert, c'est-à-dire l'essence du féminisme, en tout cas son côté déduisible de la lutte des classes. Enfin, c'est une partie de la critique. Et je vois cet homme, que vous connaissez tous, flamboyant, brillant, et se faire jeter. c'était mon homme. Lorsque je le revois là, j'ai eu envie d'adhérer au commencement et l'action, dit Goethe. Moi, je suis un peu l'opposé de Lucien, hein, tout en étant un camarade, mais ma démarche est presque une démarche totalement contraire. Donc, je fonce, j'y vais. Il y a 10 ans, je ne suis pas encore si vieux, donc je suis encore dans l'action, je m'engage. Résultat des opérations, j'avais décidé de passer la dernière partie de mon existence dans la méditation métaphysique, l'écriture de poésie. J'avais même ouvert un blog en 2006 qui s'appelait « Les entretiens avec l'abbé Timon de Quimonte », qui étaient des entretiens axés sur la gnose marcionite, la méditation sur les fins dernières, et une critique du monde moderne sous un angle un peu comme ça détaché. Le fait même d'adhérer dans une association comme ER m'a fait basculer dans une autre optique. Je me suis mis à... J'ai ouvert un autre blog qui fut un blog de pamphlets. Et j'ai quand même produit, je crois, 200 d'articles sur le site. Au début, j'en écrivais quasiment un tous les 2 jours, hein, dans le premier ER. Donc j'ai quand même contribué, je pense. Et bon, il y a eu des bouleversements. Et Soral, un jour, me dit « Ton talent, c'est l'écriture. J'en sais strictement rien. » Et donc, mon premier livre, publié par Contre-Culture, c'est un recueil de ses articles. Et bon, je m'honore aussi d'avoir été à l'origine de la première initiative concrète, puisque au commencement, en 2007, nous avions une sorte de bureau politique. Et ce bureau politique était plutôt un organisateur collectif. Alain n'était pas très présent, même s'il était toujours à l'arrière-plan. Hein, mais nous prenions des décisions. Et à l'intérieur de ce bureau politique, j'ai organisé l'aventure, je dirais, de notre tentative de pénétration du mouvement antisioniste, puisqu'il y avait une grande manifestation de soutien de défense de la Palestine. Et j'avais dit, notre tâche, c'est de rentrer là-dedans et de mettre là-dedans un peu de drapeau tricolore, d'arracher le monopole gauchiste, cette protestation qui est d'abord une protestation humaine. Le bureau politique donne le feu vert. Vous connaissez peut-être la suite. Hein, ça a été cette aventure d'une journée qui a été remarquable, hein, où j'ai vu de mes yeux des femmes voilées avec des drapeaux tricolores, où j'ai vu le courage physique de mes camarades. Hein. Moi, j'avais déjà 50 balais, donc j'ai pas couru, mais à un moment donné, dont nous avons tenté de pénétrer, les gauchistes, à 500, nous ont chargés, et nous étions une centaine. J'ai vu mes camarades prendre leur drapeau tricolore et ont chargé ceux qui nous chargeaient. Elles leur ont infligé une défaite physique extraordinaire. Mais nous avons été pris en tenaille par les CRS, donc on a pu voir qu'entre les flics gauchistes et les flics officiels, il y avait réellement un ordre du jour, enfin une collusion. Merci, je perds un peu les mots, hein, c'est l'Alzheimer qui commence. Donc c'est vraiment une initiative dont je me flatte. Un petit mot encore, parce que c'est Lucien qui m'a inspiré. Et grâce à lui, je serai très bref. Hein. Car qu'est-ce que militer pour vous, hein ? Moi, je dirais, je m'inscris un peu... totalement à l'inverse de sa démarche. Ce n'est pas dans un esprit critique que je le fais. C'est dans un esprit, on est divers. Hein. Là où il voit de l'idéologie, moi je vois de l'ontologie. J'essaie pas de faire de grands mots. Ça veut dire que si je l'écoute bien, il me semble que selon sa conception, qui est une conception pas très partagé parce que la sienne est extrêmement brillante, mais qui est généralement très partagée, c'est qu'il y existerait un homme abstrait qui aurait de mauvaises opinions, qui serait ceci, cela. Alors que moi, je vois des êtres qui sont ceux qu'ils sont. Un franc-maçon, c'est pas un homme qui est devenu franc-maçon, c'est un franc-maçon. Un traître, c'est pas quelqu'un qui trahit, c'est un traître. En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses. Pour donner un exemple plus parlant, peut-être, parce que je vous parais peut-être un peu trop abstrait, un gauchiste, un individu vivant maintenant, un jeune de ce qu'on voyait à République, là, lors des nuits, vautrées, debout. Eh bien, j'allais les voir comme ça, comme j'allais au zoo quand j'étais jeune. L'observation de ces personnes me disait qu'ils étaient, ils avaient besoin de défendre. C'est pas des laquais d'une idéologie qui leur est étrangère. Bien sûr que nous sommes sous la domination de l'oligarchie financière, que fondamentalement, quand on n'est pas soi-même du CAC 40, on n'a pas tellement de choses à garder. Mais je pense qu'ils sont naturellement faits pour ce monde de la décomposition et de la putréfaction, parce que c'est leur caractère. Parce que si nous regardons réellement ce que nous voudrions nous-mêmes faire, ils ont raison de nous combattre, eux aussi. Parce que, par exemple, nous voudrions rétablir le service militaire. Vous voyez ces types faire le service militaire, vous ? Personnellement, j'ai fait l'armée, j'en ai bavé. Des tas de choses comme ça qui ne me viennent pas directement à l'esprit. Leur rapport avec leur femme aussi. Il faudrait qu'ils brisent quelque chose d'essentiel. Il y a donc des gens qui sont nos adversaires parce qu'ils sont nos adversaires. Alors ça ne va pas dire que j'ai une démarche de manche de pioche, hein, d'écraser l'ennemi, mais je pense qu'il faut d'abord être davantage dans l'affirmation de soi, parce que notre affirmation de soi, celle que j'avais découverte ce que disait Alain Soral, c'est un inédit. Notre époque, elle est singulière. C'est pas une époque uniquement explicable par la causalité. Notre époque, elle est bourrée d'inédits. C'est une singularité historique. On n'a jamais vu un monde comme ça. Pour le qualifier très exactement, c'est un monde de pure décomposition. Et l'agitation de ce monde, c'est l'agitation des vers du cadavre. L'expression, l'image est de Georges Bernanos, qui faisait le même diagnostic que je fais en ce moment. Et un monde pareil, je pense que nous avons commencé à égalité et réconciliation grâce à... Et donc j'ai dit que ce qui m'était antipathique, c'était ce que j'avais entendu, mais ce qui m'était fort sympathique, c'était l'idée de gauche du travail, droite des valeurs, ce qui signifie que nous dynamitons des vieux concepts totalement obsolescents, dont la date de péremption est largement périmée à tel point qu'il pue. Et concrètement, il pue. Parce que la droite idéologique, c'est quoi ? C'est la défense du gros argent. La gauche idéologique, fondamentalement, c'est la défense de l'immigrationnisme, du féminisme, c'est-à-dire de l'idéologie homogène aux intérêts bien compris du grand capital. Donc ces deux choses sont totalement périmées. De la même manière que ce qui est périmé, concrètement, parce qu'il y a toujours une base sociale aux choses, qui est périmée la vieille dichotomie entre la classe ouvrière au sens large, la classe qui œuvre, et ce qu'on a appelé un temps la bonne bourgeoisie. Quand on a vu la manif pour tous, c'est-à-dire qui réussit à mobiliser plus d'un million de personnes, et à plusieurs reprises, donc il y a une volonté de cette bonne bourgeoisie de remettre un peu d'ordre dans cette pétaudière, dans cette puanteur. Et pourquoi elle échoue ? Pourquoi c'est devenu ce fiasco ? À cause de sa direction politique qui en juge avec les vieux critères périmés. J'ai écouté sur Radio Courtoisie, à l'époque de ces grands mouvements, les porte-paroles de cette marche nous faire une généalogie du gender, une généalogie du féminisme. Et que disait-il ? Le gender, c'est Marx et Engels. Je cite, hein. Où le féminisme, c'est les sans-culottes, c'est les jacobins. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous passer en fraude leur vieille camelote réactionnaire en donnant une généalogie extrêmement frauduleuse. La généalogie exacte du gender et du féminisme, c'est l'impérialisme américain, le féminisme américain, qui sont totalement homogènes aux intérêts bien compris de décomposition. Donc, putridité d'un vieux concept. À l'extrême gauche, je ne vais pas perdre du temps et vous faire perdre le vôtre, la vie étant trop courte pour vous dire à quel point ce qu'ils disent est totalement débile. obsolètes de leur point de vue. Parce que quand vous voyez des Mélenchons qui sont les nouveaux tribuns de la lutte des classes, vous savez, vous connaissez les paroles de l'Internationale ? Ni Dieu, ni César, ni tribun, producteurs souvent-nous nous-mêmes. Et voici Mélenchon qui est le tribun suprême, qui devrait être chassé, ne serait-ce que naturellement, par la classe ouvrière. Mais non, il veut les représenter. Sauf que son groupe a voté l'état d'urgence aux assassins que vous connaissez, c'est-à-dire un pouvoir de dictature des assassins, sauf qu'ils ont voté la criminalisation des hommes dans le rapport avec une prostituée, c'est-à-dire toute mesure de putréfaction morale. Donc on voit à quel point les idéologies, vous savez, quand j'écris, je mets toujours un Z. Beaucoup de gens pensent que je suis un petit peu simplet, ce qui est fort possible, au demeurant. Mais je mets ça pour montrer mon dédain de ces vieilles choses. Et ce que j'ai aimé, moi, dans Égalité et Réconciliation, ce qui m'a soulevé d'enthousiasme, je ne m'attendais pas à éprouver à nouveau un enthousiasme, c'est ça. C'est que c'était une nouveauté, une singularité. Nous sommes les seuls à être un peu à la hauteur des événements, parce que nous avons un tout petit peu, moi, vous, nous tous, dynamité ces vieux critères. Merci Félix. Jacob Cohen, à votre tour, qu'est-ce que le militantisme chez ER, selon vous ? Alors, si je dois résumer mon parcours militant, qui est très court sur le temps, je vous dirai pourquoi. Je le résumerai par une phrase, l'occasion fait le larron. Et en général, on utilise cette expression dans les romans policiers pour dénigrer quelqu'un, un naïf, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez La Reine des Pommes de Chester Himes, celui qui se fait avoir toujours, etc. Mais moi, je le considère de façon positive. C'est-à-dire que, en fait, rien ne me prédestinait à devenir militant. Donc, c'est vraiment peut-être le hasard, il y a une rencontre entre ce que je suis profondément, ce que j'ai été et que je n'ai jamais voulu confronter, et puis l'occasion. Et l'occasion, ça a été la publication du Printemps des Sayanim. En fait, depuis 20 ans, 25 ans, je suis un observateur attentif des médias juifs, à juste titre parce que j'étais sioniste, enfin j'ai eu un parcours, etc. Et donc, je m'intéressais énormément au fonctionnement de ce milieu qui me fascinait par son intelligence, par ses moyens, par sa stratégie, mais je n'avais pas à l'époque, je ne partageais qu'avec quelques amis et je n'ai jamais eu l'idée de militer, c'est-à-dire de passer à l'étape, enfin à une autre étape qualitative, c'est-à-dire de transmettre ses idées et de les faire valoir. Et donc, ça a été quasiment un accident. C'était une occasion formidable. Enfin, disons que quand j'ai publié le Printemps des Sayanim, je me suis dit, il faut que je fasse connaître tout ça. Et comment ? Alors, j'ai commencé à écrire sur Internet, sur Facebook. J'ai découvert Facebook. Et en même temps, je crois qu'il y a eu cette rencontre et je me suis découvert une âme de militant, c'est-à-dire que c'est devenu quasiment, je ne peux pas dire ma raison de vivre, mais enfin, une activité essentielle de mon... c'est presque un devoir, une envie. Et donc, ça a dépassé les espèces de prudence que j'aurais pu avoir. Par exemple, au bout de quelques mois, il y a quelqu'un d'Égalité et Réconciliation qui est venu me voir et il m'a dit, on peut aller prendre un verre, et il m'a dit, est-ce qu'on peut vendre votre livre ? Et moi, à l'époque, comme à peu près tout un chacun, on ne peut pas s'imaginer peut-être, si vous avez des amis qui peuvent qui sont un peu dans les mêmes conditions. Moi, j'étais plutôt dans le milieu gauchiste, gauchisant, un peu anarchiste, parce que je dérive vers l'anarchie. Et donc, évidemment, prononcer le nom d'égalité et réconciliation Alain Soral, c'était quasiment se faire flinguer. Je vais vous raconter une anecdote. En 2012, je crois, je consulte un site qui donne des activités militantes, en général de gauche. Enfin, voilà. Je pense qu'il s'appelle Démosphère ou Démosphène. Enfin, voilà. Et donc, il y avait un dimanche, il faisait très chaud, un dimanche d'août, je ne savais pas quoi faire. Et je dis, voilà, il y avait un documentaire qui passait quelque part à Bagnolet. Enfin, vraiment le trou perdu. Donc, j'arrive, je dis, pourquoi pas. Et donc, je me présente, je dis, voilà. Et donc, je discute, ça se passe très bien. Et puis, une demi-heure après, il y a une dame, enfin une jeune femme, qui sort de, je ne sais pas qui était, quelque part. Et à l'époque, je n'avais fait encore qu'une seule vidéo, ou deux peut-être. Elle me dit, foutez le camp, foutez le camp. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, j'ai vu votre vidéo, vous avez donné une vidéo à égalité et réconciliation. C'était, enfin... Et donc, et en fait, c'est là où je me suis, comment dire, j'ai fait cette révolution sur moi-même. Et j'ai milité contre vents et marées, voilà. C'est-à-dire parce que pour dépasser les préjugés habituels, etc., il fallait y aller. Et donc, je suis allé. Et j'ai découvert une chose, c'est que le militantisme, en fait, c'est quelque chose qui vient avec l'action. C'est-à-dire que si... C'est-à-dire qu'en fait, au début, bon, je tâtonnais un peu. Franchement, je me disais, c'est quoi Facebook, etc. Et petit à petit, le goût est venu, et l'envie, et puis il y a une sorte de dynamique. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une dynamique du militantisme. C'est-à-dire que si vous vous mettez, si vous passez du rôle passif, du regard, de la participation, etc., un rôle actif, même actif, un tout petit niveau. C'est par exemple créer une page Facebook et transmettre, ou créer une transversalité, c'est par exemple des réseaux. Quand j'étais à Marseille l'année dernière avec Alain, j'avais parlé de constituer une toile d'araignée par le bas. Et en fait, j'avais cette idée que le militantisme, c'est de créer des liens. Même si ça a l'air de ne pas donner grand-chose au départ, il faut le faire, il faut préparer le terrain. Et préparer le terrain, c'est créer ces espèces d'amitié, de réseau, de connaissances, des listes, des fichiers. Et vous savez, les marxistes disent que, enfin, dans la théorie marxiste, il y a la contradiction principale et les contradictions secondaires. Je n'ai pas envie d'entrer. Moi, mon ennemi principal, en tout cas, c'est le sionisme en France. C'est-à-dire parce que le sionisme détermine le fonctionnement de la justice, le fonctionnement de la fiscalité, le ministère de l'Intérieur, enfin, tout. Et donc, mon ennemi principal, c'est le sionisme. Bon, en gros, je ne vais pas entrer dans des détails. Et donc, mon combat principal pour affaiblir le sionisme, il faut créer des conditions de lutte. Évidemment, je ne peux pas... J'avais dit à l'époque que le lobby a créé une toile d'araignée par le haut. Et pour lui répondre, nous, on crée une toile d'araignée par le bas. C'est-à-dire, si on crée ces réseaux, on peut arriver à mobiliser des centaines, des milliers ou plus de gens sur des actions concrètes. Par exemple, vous connaissez ma faiblesse, si on peut dire, que j'ai pour la lutte qu'on peut appeler ça musulmane ou de l'islam, etc. Et je dirais juste une chose, je crois que c'est Pierre Hillard qui avait dit que la communauté aujourd'hui qui peut résister en France contre la débâcle morale, intellectuelle et politique, c'est la communauté musulmane parce qu'elle reste accrochée à ses valeurs. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Mais moi je dis une chose, si on avait constitué, c'est en fait le système, il fonctionne comme ça, il faut dominer les musulmans pour qu'ils ne s'expriment pas et ne changent pas la nature du pays de la France. Bien, un exemple, et je terminerai là-dessus pour vous dire à quel point ça peut être important. Un exemple, il y a quand une jeune fille musulmane porte une jupe longue, elle est exclue du collège pendant 2-3 jours. Très bien. Ça, c'est une façon de leur dire, vous n'avez pas à être fier de vous. Moi, je me dis une chose, si vous avez constitué des dizaines de milliers de noms, et vous vous êtes préparé à ça, vous lancez un mot d'ordre. Le 23 septembre, 5000 jeunes filles vont en jupe longue. Je vous assure, le système sera complètement désorienté par ce genre d'action. Parce que c'est comme ça qu'on peut battre le système. Et c'est à ça que je voudrais vous préparer. Ça veut dire préparer le terrain, tisser cette toile. Et les mots d'ordre viendront par la suite. C'est juste mettez-vous dans la peau du militant, de celui qui crée, qui milite, qui veut étendre, qui veut s'opposer. C'est ça, en fait. C'est un état d'esprit. Et créer ces réseaux entre régions, entre villes, entre amis, etc. Et par la suite, vous pouvez avoir une force. Voilà, merci. Excusez-moi, je venais boire un verre et on ne m'avait pas prévenu. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois conclure? Ouais, conclusion, ouais. Eh ben, comme ça, brûle pour point. Donc, c'est la fin de notre Assemblée Générale annuelle. Visiblement, les sourires sont sur les visages, ça s'est bien passé. Même toi, oui? Ouais, moyen. C'est notre baromètre. Ouais, quand Félix sourit, c'est que ça s'est très très bien passé. Voilà. Je pense que ce plateau est, comment dirais-je, la concrétisation de la, comment dirais-je, de la diversité et de la complémentarité de nos participants et de nos membres. Je ne sais pas qui est membre d'ailleurs et qui ne l'est pas. Vous êtes tous à jour de cotisation? Non, pas toi? Non. Non, d'accord. J'ai été membre pendant des années. On n'est pas très sectaire. Hein, voilà. Et voilà, que dire par rapport à ce que j'ai dit hier, c'est qu'effectivement, il y a à la fois un contexte très favorable pour nous, c'est un peu demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, hein, on est vraiment dans la phase de révolte des nations, ça c'est quand même très encourageant. Et puis un autre aspect qui est plus difficile pour nous, j'en ai parlé hier, c'est cette question de l'islam et de l'islamisme, effectivement, qui est très présente, très, très difficile à aborder, effectivement, puisqu'il y a du terrorisme, etc. Et comme je l'ai dit hier, quand on explique et quand on établit les médiations, c'est pas si difficile que ça, mais malheureusement, quand il y a souffrance et quand il y a violence, il y a des réactions émotionnelles qui empêchent les argumentaires articulés de fonctionner. Et puis aussi des gens qui s'engouffrent là-dedans parce que ça leur permet d'exister. Donc effectivement, on est à la fois très bien positionné sur la révolte des nations et un peu en difficulté sur cette réponse qu'on doit donner sur la question de l'islam, puisque certains nous prétendent qu'on serait des babouchelâtres ou qu'on aurait tellement peur de la guerre civile parce qu'on n'aurait plus de virilité, qu'on préférerait abandonner le pays aux barbus, etc. Donc effectivement, on est là-dessus. Il faut, comme je le disais hier, il faut bien rappeler que nous sommes des patriotes fiers de l'être, que si nous admettons qu'il y ait une minorité musulmane en France qui est liée à notre histoire et aussi à une population qui travaille, etc., etc. Nous sommes fiers, effectivement, d'être des Européens de culture helléno-chrétienne. Et d'ailleurs, notre vision du monde est dans cette stricte tradition et continuité, hein, puisque nous appuyons sur le logos, avec aussi une dimension de charité. Hein, il y a bien chez nous, on va dire, Socrate et le Christ. Et que voilà, notre relation à l'islam est plutôt d'admettre que, on ne peut pas déterminer un citoyen français uniquement par sa religion, ce qui est une régression sociologique actuelle. Hein, il y a aussi, si vous faites la sortie des usines, vous verrez qu'il y a beaucoup d'OS1 et d'OS2 qui sont par ailleurs de religion musulmane, souvent d'ailleurs en islam culturel, mais qui sont aussi des travailleurs et qui travaillent en France et qui font un travail que souvent d'autres gens n'aimeraient pas faire ou ne veulent pas faire. Hein, donc ramener toujours un peu de sociologie, de ce qu'on appelle les pluridéterminations, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la question, on va dire, ethnico-culturelle existe et il n'est pas question de la nier, mais elle doit s'articuler avec la question sociale, avec la question historique. Et comme je le disais hier, peut-être le meilleur exemple pour répondre à toutes ces questions en une seule, c'est de montrer l'exemple de Poutine. Hein. Je pense que c'est un très bon exemple, puisque à la fois Poutine est, comment dirais-je, un vrai président exerçant un pouvoir politique au-dessus, comment dirais-je, du pouvoir économico-financier. Hein. Il exerce réellement le pouvoir. En même temps, il gère un empire qui est multiculturel et multiconfessionnel, avec de fortes minorités, notamment musulmanes. Et il les gère avec virilité, respect et intelligence. Et je crois que la vraie réponse à donner aujourd'hui, c'est regardons du côté de Poutine quand on veut répondre à des, comment dirais-je, à des questions ou même à des accusations. Lui montre la voie, je dirais, de l'intelligence politique et de l'efficacité, puisqu'on parle, on est censé faire de la politique, nous. Hein, on n'est pas censé uniquement. On peut aussi se faire plaisir. Hein, on peut être au café. Moi, je préconise d'ailleurs des stages de politiquement incorrect, parce qu'effectivement, le politiquement correct est très épuisant. Et moi, je voudrais qu'on propose ça, c'est-à-dire qu'on fait des week-ends payants et on a, par exemple, des ateliers homophobie, des ateliers misogynie. Des ateliers racisme, parce qu'effectivement, ça peut faire du bien de temps en temps de lâcher, vous savez, des phrases bien lourdes, comme quand on s'engueule avec sa bonne femme ou avec son voisin, par exemple. Je reconnais que ça peut faire du bien. Mais après, une fois qu'on a admis ça, c'est prolonger ça dans un discours public et politique, ça s'appelle de l'inconséquence. Et comme je le dis, c'est non seulement dangereux, mais c'est surtout dangereux pour celui qui professe ce genre de choses, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans un pays où règne l'antiracisme institutionnel dans les tribunaux, et comme je le dis, les trois pauvres garçons qui étaient allés ivres-morts incendier une porte de mosquée il n'y a pas longtemps, c'est mon avocat Maître Viguier qui les a sortis de là, et ils n'ont pas été soutenus par Madame Badinter ou par Éric Zemmour. Hein. Les pousses au crime, en général, sont des adultes de plus de 45 ou 50 ans qui poussent à la violence des gamins de 20 ans qui, après, ont 20 ans pour regretter leur acte aux assises. Hein. Aux assises en prison. Pour ça, vous regardez sur Internet, vous tapez Michel Lajoie, hein, si vous voulez vous instruire un peu, et vous regardez ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. 23 ans de prison incompressible pour avoir foutu une bombe qui n'a pas explosé dans un café à côté d'un Sonacotra, bombe qui lui avait été donnée par la police. Hein, voilà. Voilà, donc ayez bien ça en mémoire quand vous avez envie de vous lâcher un peu. Même moi, vous voyez, quand je me lâche un peu sur les réseaux sociaux, je me finis par être condamné, vous voyez, alors que c'est de la vie privée. Donc ne faites pas comme moi, hein, soyez encore plus prudent que moi. Et voilà, sinon, nous sommes bien égalité et réconciliation, mais comme c'est bien marqué en sous-titre, égalité et réconciliation de la gauche du travail et de la droite des valeurs, hein, voilà, qui permet, à mon avis, de bien comprendre les enjeux politiques actuels, notamment le piège Fillon, en ce moment, où on met un peu de vernis droite des valeurs pour casser un peu plus la gauche du travail avec du thatchérisme. Je pense que les concepts qu'on a mis en place, plus ceux que nous apportent nos camarades sur l'ingénierie sociale ou les très bons exemples que nous donne Jacob Cohen sur qui nous montre par son exemple qu'on peut sortir des communautarismes et finalement qu'on peut s'émanciper aussi de pièges ou d'habitus qu'on nous a un peu imposés. Je pense qu'on est, on a quand même un bagage, conceptuel, intellectuel, politique qui nous permet vraiment d'être au top du débat politique, hein, sans doute de répondre aux questions politiques qui vont nous être posées quand Valls là, va déclarer sa candidature et qu'il va y avoir la primaire à gauche et qu'ils vont tous s'écharper. Donc rappelez aussi que dans cette période où ça commence à bouger, nous, on est là pour se former politiquement et pour former les autres politiquement, afin qu'ils aient, on va dire, la réaction électorale ou la réaction citoyenne la plus fine et la plus intelligente, je dirais, pour leur intérêt et pour l'intérêt de la France. Et que de ce point de vue-là, on fait un excellent travail. Et tant que les présidentielles ne sont pas passées, je dirais, on n'a pas besoin de faire plus. On fait déjà énormément. Hein. Quand je vois, là, j'ai regardé Judith Reichmann. sais pas si je prononce bien, avec Marion Sigaud à TV Liberté, présenter le bouquin sur le rapport Kinsey. C'est une très belle synergie des forces, je dirais, de résistance au système. Et c'est comme ça que moi, j'entrevois l'égalité et réconciliation, qui n'est pas un parti politique, rappelez-vous, hein, qui est un lieu de réflexion, de pensée et de convergence. Et je trouve que ça, c'est le bon exemple. Vous voyez, TV Liberté, qui invite Marion Sigaud, qui est retournée au catholicisme, qui présente le livre d'une dame qui est juive d'origine, mais qui critique le rapport Kinsey, qui est effectivement la mise au tapin des gosses pour qu'ils se soumettent au libéralisme mondialisé. Là, on a une très belle complémentarité, une très belle synergie qui, à mon avis, de la plus grande efficacité. Voilà. Et ça, c'est égalité-réconciliation. Hein. De même, hier, quand vous voyez Eric Sanceri venir pour nous remercier de l'avoir aidé à sortir son entreprise un petit peu du rouge, c'est aussi cet aspect qui est important, effectivement, de la solidarité, non seulement des idées, mais de la solidarité concrète et économique. Fonctionner avec l'idée de fonctionner un peu en réseau de résistance, réseau de solidarité. Hein, c'est tous ces aspects qui sont égalité-réconciliation et qui fait qu'on peut être fier d'en être. Et je pense que l'histoire nous rendra raison et justice. Hein. Je pense que dans 20 ou 30 ans, quand on parlera de l'époque assez tragique qui était les années 90, 2000, 2010, on dira qu'il a émergé une force dans ce chaos, qui était une force morale, une force d'intelligence. Et c'était nous, voilà. Hein, donc merci à tous d'en être. Chers auditeurs, cette émission spéciale est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à commenter cette émission sur Égalité et Réconciliation ou à la partager sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'historienne Marion Sigaud sur le thème des droits sexuels. Nous parlerons entre autres du livre de Judith Reisman, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, paru aux éditions Contre Culture, ainsi que d'un nouveau livre écrit par Marion Sigaud. Marion, qui s'est fait agresser la semaine dernière par une horde antifasciste, alors qu'elle donnait une conférence sur les enfants disparus de l'hôpital général. Marion, qui a bien sûr tout le soutien d'Égalité et Réconciliation. Rendez-vous encore plus nombreux, chers auditeurs, aux conférences de Marion Sigaud. Elle en donnera d'ailleurs une demain mardi à Paris, organisée par Civitas. Elle sera accompagnée du docteur Xavier Dor et de Thierry Bouzard. Ils parleront du thème de l'avortement. Tous les renseignements se trouvent sur le site ER. Vous pourrez également me retrouver, chers auditeurs, à Toulouse le dimanche 22 janvier pour une projection débat du film Hugo Chavez, itinéraire d'un révolutionnaire, tiré du coffret de Chavez disponible sur contreculture.com. Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, nous allons conclure cette émission en musique sur un chant de notre chorale ER Île-de-France. Merci à nos camarades de la chorale, ils chantent pour nous aujourd'hui « Guerre, guerre, vente-vent » de Triane. Chers auditeurs, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vente, vent. Ah, ça commence à sonner. Mais aucune hésitation. Je reviens de grande terre. Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vente, vent. Superbe. Ouais, ça c'est beau. Hein. Notre premier spectateur est conquis. Alors c'est bon, on y va. Les leaders, s'il vous plaît. Alors, et on a un super cœur, donc on va faire une première note, la même tous les trois. Ah. Ah. Ouvrez la bouche. Ah. Ah. Ah. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient. Je reviens de grande terre, guerre, guerre, vente, vent. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. J'ai passé des nuits entières debout au gaillard d'avant. Sous bon vent, souvent contraire, sous la brise, sous les brisants. Sous bon vent, souvent contraire, guerre, guerre, vente, vent. Voyez mon sac de misère, lourde gourde, vide d'argent. Voyez mon sac de misère, lourde gourde, vide d'argent. d'argent. Allez dire au capitaine, j'ai obéi trop souvent. Allez dire au capitaine, guerre, guerre, vente, vent. Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher aimant. Bonjour mamie qui m'est chère, revoilà ton cher amant. Je suis là de trop de guerre, sans voir grandir mes enfants. Je suis là de trop de guerre, guerre, guerre, vent de vent. J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant. J'ai reçu tes mille lettres par le rossignol chantant. Je t'écrivais moi peut-être, je t'envoyais des rubans. Je t'écrivais moi peut-être, guerre, guerre, vent de vent. Mes amis, plus que naguère, vous me verrez bien souvent. Mes amis, plus que naguère, vous me verrez bien souvent. Après tant d'années de guerre, j'aurai tant et tant de temps. Après tant d'années de guerre, guerre, guerre, vent au vent. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Les fleurs d'hiver étaient belles, guerre, guerre, vent au vent.